بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 75، فصل كثير من الحديث. Avant de prendre le hadith, j'aimerais faire un tambih par rapport au hadith précédent qu'on a appris, que j'ai oublié de citer, une masala qui était importante. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Innama ju'ila l'imam liyutamma bih, fa idha kabbara fakabbiru, ila akhirih. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'imam n'a été mis que pour être suivi. Que s'il fait le takbir, alors faites le takbir. S'il s'incline, inclinez-vous. Et ainsi de suite. Et donc là, pour faire la remarque qu'on dit souvent, mais on la répète, que beaucoup de gens, lorsqu'ils entrent en salat en cours, les gens sont déjà en salat, ils rentrent dans le masjid, les gens sont en prosternation. Qu'est-ce que beaucoup font? Ils restent debout, ils attendent que les gens se relèvent pour pouvoir prendre la rakat avec eux. Car ils se disent, grâce à la rakat, je l'ai raté, donc je ne me prosterne pas, j'entends qu'ils se relèvent pour poursuivre avec les gens. Ça, c'est une erreur. Car en faisant cela, ils s'opposent à ce hadith qui a dit que le fait de se prosterner, si l'imam se prosterne, il faut se prosterner avec lui. Donc tu ne restes pas debout à attendre. Tu te prosternes également. Et à savoir que se prosterner, il n'y a que du bien derrière. Il n'y a que du bien derrière. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le moment où le serviteur est le proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interrogé un de ses compagnons, il lui a dit, Salni, interroge-moi, demande-moi quelque chose. Il lui a dit, Moura fakataka fil jannah, je demande ta compagnie au paradis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'as-tu pas autre chose à demander? Il lui a dit la même chose. Et à la fin, il lui a dit, Fa'aini ala nafsika bikasrat es-sujud. Bikasrat es-sujud. Il a dit quoi alors? Si jamais tu veux ma compagnie au paradis, alors garantis-moi de faire beaucoup de prosternation. Ce qui montre la valeur de la prosternation. Wa kazalik al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakoulu, lam tasjud sajdatan lillah, il rafa Allah ou. Que Allah, tu ne feras pas une prosternation pour Allah sans que Allah ne t'élève en degré par celle-ci. Donc les sajda, la sajda, le sujoud, la prosternation, n'apporte que du bien. Donc il n'y a aucun mal à ce que la personne se prosterne directement en rentrant au masjid. Au contraire, il n'y a que du bien pour lui. Le fait de le délaisser, cela est une mukhalafa de la sunnah, ça s'oppose à la sunnah, et en plus, montre que la personne n'a pas ce côté, on va dire, de se hâter vers les actes de bien. C'est une personne qui ne se précipite pas vers les actes de bien, alors que nous sommes tous en grand besoin de cela. Wallahu musta'an. Donc on dans le hadith, 75e hadith, yaqul, an Abdillah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari qala, hadathani al-Bara ibn Azib wa huwa ghayr kadhub qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam izi qala, sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahrahu حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. Donc Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari, il a dit que Al-Bara ibn Azib lui a rapporté que le Nabi صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il disait Sami Allah liman hamida, c'est-à-dire en se relevant de l'inclinaison, aucun d'entre nous, d'accord, ne courbait son dos, c'est-à-dire pour se prosterner, jusqu'à ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم soit lui-même déjà en prosternation. Pour montrer qu'il ne le devançait pas dans les rites de la salate. Naam. Fayakoulou Fadilat Shir ibn Usaymin, rahimahullah ta'ala. Rawi, c'est le rapporteur, c'est Abdullah ibn Yazid ibn Zayd al-Khatmi al-Ansari al-Awsi. Donc c'était un Ansari parmi les gens de Médina. Et lui-même rapporte le hadith de Al-Azib ou Al-Bara ibn Azib. Shaydat Bayat al-Ridwan wa huwa saghir. Il a participé justement au pacte de l'allégeance sous l'arbre, le pacte de l'agrément, alors qu'il était encore petit. Wakana kathir al-salat, il faisait beaucoup de salat. Sakana al-Kufa, wakana amiran aliyah fi ahd ibn Zubayr, radir anhumah, wa mata fi lazalik al-ahd. Et qu'il a été mis comme gouverneur sous l'autorité générale de Ibn Zubayr, d'accord, et qu'il y est mort durant cette gouverne. Radir anhum. Yaqul moudou al-hadith, sujet du hadith. بين كيفية عمل الصحابة رضي الله عنهم في متابعة الإمام. Cela montre comment les Sahaba appliquaient justement ce suivi dans leur imam, de leur imam. يقول في شرح الإجمالي. L'explication globale du hadith. يخبر عبد الله ابن يزيد أن البراء ابن عازب حدثه عن كيفية اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Donc Abdullah ibn Yazid nous informe que Al-Bara ibn Azib lui a raconté comment les Sahaba étaient lors dans le suivi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la salat en groupe. حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ساجدا ثم يسجدون بعده que aucun d'entre eux ne courbait son dos pour se prosterner tant que le Nabi صلى الله عليه وسلم n'était pas lui-même déjà en prosternation et ensuite eux se prosternaient. وإذا كان هذا شأنهم في السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره فهم في غيره من أركان أبلغ وأولى. Donc après il dit que justement, si dans cette prosternation qui est celle dans laquelle les gens ont le plus tendance à se précipiter et à devancer l'imam, eux prenaient soin de ne pas le faire, cela montre que dans les autres piliers de la salat, ils le faisaient encore plus. Car cette prosternation, c'est celle sur laquelle justement les gens ont le plus tendance à devancer l'imam. Non. Également l'inclinaison. Yaqoul fi fawaid al-hadith, les enseignements utiles du hadith. Hos de mutaba'at al-sahaba. رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلفه حيث لا ينتقلون عن الركن حتى يصل إلى الذي يليه. Ce que la montre le bon suivi des Sahaba du prophète صلى الله عليه وسلم dans la salat derrière lui du fait qu'il ne se déplace pas d'un pilier vers un autre tant que lui-même ne l'a pas déjà fait. Et dans le deuxième enseignement utile, يقول أن مشروع للمأموم ألا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الذي يليه. Qu'il est légiféré justement au ma'moun, ou présider, de ne pas passer d'un pilier à l'autre tant que leur imam ne l'a pas déjà fait. Naam. Et aussi une autre faïda que j'ajoute dans ce hadith, c'est lorsqu'il dit « Lam yahni ahaduna zahrahu » qu'aucun d'entre eux n'a courbé son dos, d'accord, pour se prosterner. Là, il y a une grande divergence qui a eu lieu dans la prosternation entre les savants de la sunna, et qui est-ce que lorsqu'on se prosterne, on se commence par descendre sur les genoux ou sur les mains. La divergence là-dessus est assez forte, car il n'y a aucun texte qui soit explicite, authentique, qui démontre cela. Et là, des ulama, parmi notre Cheikh Yahya, qui nous l'a souvent cité, il dit que ce hadith-là indique par le mot Hana Yahni, qui est le fait de se baisser, de baisser son dos en premier lieu, cela indique que les Sahaba se prosternaient en faisant devançant les mains. En faisant devancer les mains, en faisant devancer les mains. Car courbure du dos, cette inclinaison du dos, indique qu'ils mettaient leurs mains en premier. Car celui qui se prosterne les genoux en premier, son dos reste droit. Il ne courbe son dos qu'une fois que ses genoux sont par terre, sur le sol. Donc ce hadith-là indique que les Sahaba se prosternaient en baissant leur dos en premier lieu, donc sur les mains. Donc sur les mains, donc dans la prosternation, lorsque l'on se prosterne, d'accord, on met en premier quoi ? Les mains, et non pas les genoux, selon l'avis qui est le plus fort, comme cela est appuyé par ce hadith. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Fabi'dil kod naktafi, walhamdulillah bil alamin.